comme un sketch de music hall. Merci. Mais ne faisons pas fi des rires de la salle. Votre pièce, on aura besoin. Bon, reprenons après votre arrivée. Vous vous asseyez, les autres sont de chaque côté de vous. Mrs. Hensford Hill, ici. Le jeune Freddy, là. Higgins, ici. Mrs. Higgins, là. Mrs. Higgins dit... Croyez-vous qu'il pleuvra? La dépression qui se creuse à l'ouest de ces îles s'avance lentement dans la direction de l'est. Il n'y a pas d'indication de changement important dans la situation barométrique. Ça alors? Qu'est-ce qui vous fait rigoler, jeune homme? Je ne suis pas gouré. J'espère que cela ne se mettra pas au froid. Il y a tellement de grippe partout. Ma tante est morte de la grippe. Est-ce qu'ils prétendent? Vraiment? Oui, mais ce que je crois, ils ont achevé la pauvre vieille. Ils l'ont achevée? Et oui, ma cocotte! Pourquoi serait-elle allée mourir de la grippe? Elle s'était pas mal tirée de la diphtérie l'année d'avant. Mon père, il faisait descendre du gin dans le gosier pour qu'elle revienne à elle. Si raide qu'elle a failli avaler la cuillère. Vous voyez une femme de cette force? Mourir de la grippe? Et où qu'il est passé, son chapeau de paille neuf qu'aurait dû me revenir. Mon œil, quelqu'un l'a piqué. Et c'est ceux qui ont piqué le chapeau qui ont achevé la vieille. Vous voulez dire que votre tante a été tuée? Tu parles! Il l'aurait tout zigouillé pour une épingle à chapeau. Alors, pour un chapeau! Mais ce n'était sûrement pas bien à votre père de lui verser de l'alcool dans la gorge. Il aurait pu arriver le pire. Pour une autre, peut-être bien, mais pour elle, le gin, c'était comme du lait de nourrice. D'ailleurs, il en a tellement versé dans son propre gosier qu'il savait mieux que personne que ça ne peut pas faire de mal. Grand Dieu! Moi, j'ai jamais vu que ça lui faisait du mal. Faut dire qu'il avalait pas tout le temps, hein. Oh, plutôt quand il faisait la bringue. Non, gaiement, c'était la bringue. La bringue. Quand il avait fait la bringue. Et toujours le meilleur gars du monde quand il avait bu la goutte. Au revoir, Mrs. Higgins. Au revoir. Au revoir, Mrs. Hanford Hill. Au revoir. Au revoir, tous. Si vous devez rentrer à pied. À pied, mon cul. Je prends un taxi. Ça y est, nous le tenons. Ça, vous pouvez être merveilleux si on vous en donnait la peine. Bonne nuit. Nous n'avons plus que 4 jours. Et ça n'est pas encore au point. Ah non, c'est pas encore au point. La fin de la pièce. Là, vous déraillez toujours. Et souvenez-vous de parler fort. Quelquefois au fond du théâtre, j'entends pas un mot de ce que vous dites. Je sais que mon jeu est une pitrerie grotesque. Mais je vous avais prévenu que j'étais beaucoup trop âgée pour le rôle. Du coup, je ne pourrais jamais devenir une clocharde. Même si je devais sauver ma peau. Ou la vôtre. Mais je me fais entendre à toutes les places de n'importe quel théâtre au monde. Est-ce ma faute si vous devenez sourd? Ultime proclamation. Ce soir, la partie se joue. Tout dépend de vous et de votre inspiration au dernier instant. Vous n'êtes pas comme moi, un grand général. Je n'aime pas la bataille. J'aime la conquête. Mais puisque vous aimez vous battre, allez-y, sabre au clair. Et ce qu'il y a de merveilleux, Stella, c'est que vous triompherez avec audace et brio et détermination. Alors, avanti. La pièce marcha comme en rêve. Un paradis illuminé de rire. À chaque nouvel acte, les applaudissements, l'enthousiasme allaient crescendo. Vers la fin de la pièce, il fut manifeste que Stella avait emporté Londres dans une tornade. En une nuit, nous nous retrouvâmes ensemble au sommet de la gloire. Charlotte avait organisé une fête sur le plateau, après le spectacle. Mais... quand j'allais chercher Stella, une surprise m'attendait. Joey. Vous ne restez pas pour la petite fête? Vous n'allez pas rentrer chez vous seul un soir comme celui-ci. Oh, je ne rentre pas seul. Je rentre avec Georges. Il m'attend dans son automobile. Georges? L'honorable Georges Cornwallis-West. Vous vous souvenez de lui, n'est-ce pas? Je l'ai épousé mercredi dernier. Fut le grand succès de la saison de Londres. Mais on était en 1914. Quelques mois après notre première, la Belgique était envahie et toute l'Europe à feu et à sang. Les théâtres londoniens fermèrent. Mon mari et mon fils, Béo, s'étaient engagés et se trouvaient sur le front, dans les unités combattantes. Alors, je décidai d'emmener Pygmalion en Amérique. Quant à Monsieur Shaw, comme toujours en avance sur son époque, au point qu'on l'appelait un traître, il écrivait. Écrivait. Écrivait. Il nous faut appliquer nos esprits au problème d'une refonte de la carte d'Europe et réformer ses constitutions politiques. De manière à ce que cet abominable désordre d'une guerre européenne ne puisse jamais se reproduire. Ces lettres commencèrent à me parvenir à New York, avant l'entrée en guerre de l'Amérique. Stella, cette guerre est pas trop idiote. Ils piétinent tous. Ils n'obtiennent aucun résultat, sauf de tuer, tuer, tuer. Le Kaiser réclame de temps en temps un nouveau million d'hommes pour le faire tuer. Et le roi réclame son million d'hommes pour tuer le million du Kaiser. Pourquoi les femmes ne se lèvent-elles pas pour dire c'est nous qui avons pris la peine de faire ces hommes, et si vous n'arrêtez pas ce massacre, nous refuserons de vous en fournir d'autres. Mais hélas, les femmes sont aussi stupides que les hommes. Un point, c'est tout. Dites, Stella, c'était un bel éditorial. Applaudissez. Vous ne vous demandez jamais ce que sont devenus mes sonnets? Non. Vos sonnets ne me manquent pas, ni votre tactique amoureuse. Je vous connais si bien, Joey. Je sais exactement à quel point j'ai compté pour vous. Ou plutôt, à quel point je n'ai pas compté. J'en étais déjà de ma poche. 7550 dollars quand j'ai entrepris de traverser toute l'Amérique avec votre pièce jusqu'à San Francisco. Par une chaleur épouvantable, nous faisions une ville par jour et les théâtres étaient presque vides. Les gens trouvaient Bernard Shaw trop intellectuel. Je me fane, mes cheveux grisonnent et la presse de ce pays est faite pour rendre fou. Il y a plusieurs semaines, paraissait en énorme titre « La flotte britannique coulée ». Vous devinez mon angoisse à cause de mon fils, Béo. Il est tombé malade dans les tranchées des Dardanelles. On l'a évacué à Alexandrie. Il n'en reste que 3 survivants dans son peloton. Vous m'avez manqué beaucoup. Je me demande si je vous reverrai jamais, Stella. Je suis revenu d'Irlande avec les rescapés du Lusitania pour faire des conférences à Londres sur la guerre. Votre dernière photographie est trop jeune et trop belle pour être vraie. Vous devriez me voir, je parais 70 ans. Le théâtre s'éloigne de moi comme une sorte de baliverne. Je me tourne vers la politique, la religion, la philosophie. Elles me donnent d'affreuses migraines. Mais mon âme est satisfaite. deux années interminables en Amérique, je revins à Londres. Jouais belle la donna pour les armées, en France et en Angleterre. La guerre devenait chaque jour plus horrible. La liste des morts, les blessés dans les rues. Plusieurs semaines passèrent sans que j'entendisse parler de Joé. Un yacht Saint-Laurent, 30 mai 1916. Stella, j'ai eu la grippe, comme tout le monde. Et malgré deux semaines passées à la mer, je me sens au bord du suicide. J'avance à tâtons dans une nouvelle pièce. Pour m'empêcher de pleurer, j'écris à mes moments perdus deux ou trois répliques à la fois. Je ne sais même pas de quoi la pièce parle. Georges avait l'air fatigué à son retour. Je ne crois pas qu'il ait longtemps à vivre. Vous devez vous sentir très vieille et faible. Je me demande ce qui est le plus facile, le charbon de bois, la morphine ou l'acide prussique. Eh bien, adieu. Nous ne nous rencontrerons sans doute plus. Notez ma nouvelle adresse, Crématorium, Cimetière Central, Londres. Oh, mon pauvre Crésus. Mon fils est en grand danger, les heures sont lourdes. 7 mars 1917, vous m'avez envoyé une demi-lettre gribouillée de la manière la plus inconvenante. Envoyez-moi à l'autre bout et j'y répondrai. Je possède, semble-t-il, les deux dernières pages. J'exige les 6 premières. Il y a 3 gouffres d'un alphabétisme, chacun plus vertigineux que le précédent. 1, l'analphabétisme de ceux assez analphabètes pour ne pas savoir qu'ils le sont. 2, l'analphabétisme d'Elisa, qui ne pouvait même pas comprendre sa propre histoire. 3, l'analphabétisme de ceux qui n'ont jamais lu mes œuvres. Il existe une seule créature vivante d'un analphabétisme assez monstrueux pour combiner les 3 formes dans son seul cerveau. Et moi, le plus illustre des maîtres à penser contemporains, je me suis donné en spectacle avec elle devant toute l'Europe. Mon fils bien-aimé, Béo, a été tué. Vous l'avez lu dans le journal. J'ai l'impression qu'il dort. Il se réveillera. Il reviendra me voir si je suis forte et calme. Le chapelain m'écrit que Béo et son commandant se tenaient à la porte de leur guitoun quand un obus les a fauchés ensemble d'un coup. J'aimerais que vous lisiez sa lettre. Elle est pleine de douceur tragique et d'éloges pour le courage de mon fils. Non. Non, celle-là. Je ne peux pas juger les choses comme vous. Ce n'est pas de la peine que j'éprouve. C'est de la fureur. J'ai envie de jurer. Et je jure. Mourir parce que certaines gens sont incorrigibles imbéciles. Et il y a par-dessus le marché un chapelain pour écrire de jolies choses sur ses horreurs. Non, ne me montrez pas la lettre. Au diable, votre chapelain et sa guimauve tragique. C'est lui que le prochain obus mettra probablement en pièces. Et il se trouvera un autre chapelain pour écrire une très jolie lettre à sa mère. Il manque au programme une lettre du roi pour me convaincre que cet obus était une chance glorieuse. Attendez une semaine. Et je serai de nouveau une vaste intelligence et large d'esprit. J'aurais tout à fait oublié votre chapelain. Je serais donc fort aimable avec lui. Et merde, merde, merde, merde, merde. Et mon ami, ma tendre amie. Si Béo avait vécu 3 semaines de plus, la guerre était finie. Avec l'armistice, survint un monde neuf. L'époque commençait à laisser Stella en panne. Son prestige subissait une usure lente, mais indiscutable. Nos relations prirent alors un tour tragicomique. Toutes griffes dehors, nous nous querellions à propos des lettres que nous nous étions écrites et choses curieuses que nous avions toutes conservées. Décembre 1920. Joé, j'ai reçu l'offre d'un éditeur sur laquelle j'aimerais beaucoup avoir votre avis. C'est un projet de contrat pour mon livre. Les termes me déplaisent. Vite, faites-moi savoir quand vous serez en ville. Une amie m'écrit de New York qu'elle a vu avec enthousiasme votre dernière pièce, La Maison des Cœurs Brisés. Ça ne serait pas très chic de votre part de ne pas me prendre dans la distribution si la pièce se donne à Londres. Ma plus qu'aimée. Impossible de vous prendre dans La Maison des Cœurs Brisés. Vous m'avez désintégré une fois pour toutes pendant les répétitions de Pygmalion. Et le reste de la distribution se mettrait en grève sur le champ. Je ne m'en remettrai jamais, mais je n'ai plus de larmes à verser, alors c'est sans importance. Cette affaire du livre me préoccupe. Qu'avez-vous écrit ? Votre vie ou la mienne ? Vous savez bien que je n'ai aucun style, que je suis incapable de tricoter, de jouer la comédie, et que ma seule science de la ponctuation consiste à mettre mal les virgules. Alors aidez-moi. Oh, je crois que vous en sortirez très bien. Si vous relatez seulement les histoires sur vos amants de théâtre, tel Herbert Tree, que vous écrasez sur votre poitrine avec des bras tellement maquillés que le pauvre homme en queue de pie devenait un zèbre. Votre plume vous grise. On raconte que Charlotte s'inquiète à cause de nos lettres. J'espère que c'est faux. Mais vous ne lui avez donc jamais appris que j'étais homme d'honneur? Je me félicite de ne pas avoir détruit nos lettres. On fait des copies de celles que je me propose de publier. Des copies? Si vous êtes d'accord. Des copies. Écoutez, vous dites que vous êtes un homme d'honneur. Eh bien, un homme d'honneur ne raconte pas ses bonnes fortunes. Donc l'affaire est classée. Mais très facile d'admettre qu'il existe d'autres points de vue que le mien, non? Ce que je veux, c'est votre conseil sur la manière de faire tenir la vérité toute nue sur une page de livre. Mais moi aussi, je note quelques épisodes autobiographiques. Pour l'édition complète de mes œuvres, supposez que j'y introduise vos lettres les plus intimes. Est-ce que dire au tribunal, j'ai eu sa permission, m'empêcherait de passer pour un muf? Joé, je vous prends au mot. Vous dites... supposez que j'y introduise vos lettres les plus intimes. Oui. Il n'y a aucune lettre de moi qui ne se puisse publier, à condition de corriger les fautes d'orthographe. Oh, il me faudrait un marteau pour faire entrer un seul grain de bon sens dans votre tête. Si seulement vous pouviez vous voir tel que les lecteurs vous verront. Humiliez-moi, insultez-moi, frappez-moi, personne ne peut plus m'atteindre. N'est-ce pas merveilleux d'être invulnérable? Et puis à quoi bon vous soucier de la bêtise du monde? Dans 100 ans, on dira que j'étais votre maîtresse et que le prince de Galles était notre fils, et après? Écoutez, il y a au moins un passage pour lequel George serait fondé à obtenir le divorce. J'aimerais beaucoup savoir à quel passage vous faites allusion. Je dois vous parler comme un enfant de 9 ans. Pour commencer, la publication de lettres intimes est une chose qui ne se fait pas entre gens d'honneur. Mais si ce sont des lettres d'amour, les difficultés deviennent 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois plus grandes. Et si ces lettres d'amour sont celles d'un homme marié à une femme qui n'est pas sa femme et qui est fiancée à l'époque à un autre homme devenu par la suite son mari, les difficultés deviennent une totale impossibilité. Si l'homme les publie, c'est un goujat. Et si la femme les publie, c'est une garce. Et malgré cela, vous vous entêtez à me demander pourquoi vous ne pouvez pas publier ces lettres. Mais autant me demander pourquoi vous ne pouvez pas être danseuse nue ou voleuse à la tire. Je suis tellement ivre de colère devant votre ignoble impudence que je ne sens même pas la gifle de vos insultes. Vous avez gâché mon livre. Vous avez gâché mon histoire. Vous voulez dissimuler au monde la seule chose qui aurait pu être proclamée. Nos jeux royaux de lions asexués. Puis je vous retire en enfer, je m'en moque. Stella, je refuse d'en entendre parler. Je refuse d'être le cheval qui promène Lady Godiva toute nue. Et voilà. C'est à cause de ces réactions épileptiques que vous n'êtes pas le surhomme que vous pourriez être et que vous croyez être. Les lettres, telles que vous me les avez renvoyées, ne sont plus que fadaises. Elles me défigurent. Elles défigurent mes sentiments. J'ai été courtisée par un donjon de pacotille. Tout était mensonge. Je me suis attachée à un homme qui s'est montré le plus banal des hommes. La prochaine fois que vous essaierez de séduire une actrice, ne vous servez pas d'elle comme d'un moyen pour tourmenter votre femme. C'est ce que vous avez fait de plus vil. Votre jeu, c'est la triche, toujours. Vous ne respectez que ceux qui se conduisent plus mal que vous. Eh bien, désormais, je compte publier exactement ce que je veux. Mais enfin, si vous ne pensiez pas ce que vous écriviez, pourquoi l'avez-vous écrit? Un homme qui renie sa foi est un Irlandais. Le livre parut, avec quelques lettres seulement. Malgré les coupures, il en restait quelque chose et la presse fut merveilleuse. Tout le monde dit que j'avais montré le vrai Bernard Shaw, le Bernard Shaw humain. Ces pièces étaient maintenant jouées partout. C'est après le triomphe de Sainte-Jeanne que j'eus enfin de ces nouvelles, au bout de 16 mois de silence noir. Alors, vous êtes encore vivante. Figurez-vous que l'autre jour, je vais au théâtre. Dans le couloir des loges, on rencontre une espèce de dandy ridicule qui se met à entonner vos louanges, jurant que vous êtes la plus grande actrice au monde, plus belle que jamais. Un vrai fou, quoi. Et maintenant, je vous pardonne les lettres, parce qu'il existe quelque part une étoile qui les protège. Et sur cette étoile, nous aurions dû naître tous les deux. C'est étrange combien peu de personnes savaient. Alors, êtes-vous tout à fait bien? Gagnez-vous des masses d'argent? Et est-ce que votre beauté virginale vous est vraiment venue? Et est-ce que vous vous souvenez de Tristan et Iseult? Et oubliez-vous nos luttes stupides et le livre? Vous a-t-il vraiment permis de payer vos dettes? Et quelle sorte de vie menez-vous? J'aurai 68 ans, en juillet. Voilà toutes mes nouvelles. Cher clown, votre lettre reçue au théâtre m'a fait un plaisir étrange. Oui, le livre m'a rapporté une somme importante. Me conduirez-vous à une matinée de Sainte-Jeanne cette semaine? Cela vous ferait pardonner beaucoup. J'ai lu les louanges qu'on vous accorde. Cher Joé, on dit que vous descendez loin dans l'analyse du cœur humain, que c'est la meilleure pièce que vous ayez jamais écrite. Et on vous compare, bien sûr, à William Shakespeare. Et un journal n'a parlé que de votre jeunesse. 68 ans, en vérité. Non, 22. Et moi, votre grand-mère. Je n'oublie jamais Tristan et Iseult. Et vos 21 ans. Et moi, 17. Et des harpes dans le ciel. Ah, mon Dieu, Stella. Il ne faut plus nous disputer avant que nous soyons morts ensemble. Et alors, on pourra nous joindre à Paul et Virginie, à Héloïse et Abélard, à Roméo et Juliette et tout le cortège. Je me sens comme la petite fille noire qui, après qu'un Anglais l'eut embrassée, courut se plaindre à sa mère. « Moussi Anglais, coque-moi tout cru. » Et le lendemain, dit à l'Anglais, « coque-moi tout cru un peu, encore. » Stella était dans une mauvaise passe. Réduite à faire des causeries sur la diction dans l'art dramatique. C'était de plus en plus dur pour elle de trouver des engagements. L'âge était contre elle. Et les cachets qu'elle demandait, énormes. Et son orgueil, plus énorme encore. On lui avait souvent demandé de se rendre à Hollywood. C'était l'époque du cinéma muet, elle avait toujours refusé, mais avec l'avènement du parlant, elle trouva qu'elle pouvait tenter l'aventure. Et la voilà partie, avec une montagne de valises et le Pékinois. Et bien qu'elle fût souvent allée en Amérique et croyait connaître le pays, elle n'était nullement préparée à la vie qu'elle trouva à Hollywood. Les rois et les reines de cinéma, des stars aux yeux du monde entier, n'étaient pour elle que des acteurs comme les autres. Elle n'était pas très aimée. Les rôles devinrent de plus en plus minces. Et l'argent manqua. Il se trouva des gens pour essayer de l'aider, mais elle était pareille à un navire qui sombre et qui tire au canon sur ses sauveteurs. Et pendant tout ce temps, elle avait avec elle son dernier et plus célèbre Pékinois, Moonbeam. Et il y eut beaucoup de choses qu'elle refusa à cause de lui. Par exemple, de revenir en Angleterre à cause des 6 mois de quarantaine exigés pour les chiens. Ma nouvelle pièce, La Milliardaire, allait être jouée à New York. Et je la proposais pour un petit rôle, mais elle crut qu'on lui